dis que je te fais du mal, mais je m'en rends même pas compte. Dans ce cas, je plaide coupable. Je ne veux plus qu'on s'affronte. Tu dis que je suis folle, que tu me trouves bizarre, que je t'aime pour de faux, que je t'aime au hasard. On s'emmène, on se démène, on en perd le sommeil. On s'enchaîne, on se déchaîne, toujours le cœur qui saigne. Mais si tu avais su à quel point je t'aimais, peut-être n'aurais-tu jamais douté, et je serais à tes côtés. Moi je voulais juste que tu m'aimes, mais tu ne m'écoutais jamais. J'ai pas vu tes problèmes, je suis passée à côté. Je voulais me voir en rêve, dans les yeux d'un ange, mais je t'ai fait roi de l'enfer qui nous. On s'emmène, on se démène, on en perd le sommeil. On s'enchaîne, on se déchaîne, toujours le cœur qui saigne. Mais si tu avais su à quel point je t'aimais, peut-être n'aurais-tu jamais douté, et je serais à tes côtés. Je suis arrivée dans ta vie comme une claque en pleine gueule. Je voulais être ta famille, je voulais être la seule. Aujourd'hui je t'abandonne. Tu sais, je ne suis pas si forte que ça. Si un jour tu me pardonnes, cette chanson elle est pour toi. On s'emmène, on se démène, on en perd le sommeil. On s'enchaîne, on se déchaîne, toujours le cœur qui saigne. Mais si tu avais su à quel point je t'aimais, peut-être n'aurais-tu jamais douté.